les 6 poèmes que j'ai enregistrés pour vous présenter l'œuvre du poète symboliste Henri de Régnier sont extraits de 5 recueils que je vous citerai au fur et à mesure.